Là, Rabbi Ibrahim. Il y a Aïcha qui ça, il dit certes, mais par Allah, envoyé d'Allah, je ne me mets à part que de ton nom. C'est-à-dire que je ne m'écarte que de ton nom. Là, Ahjuru, il laisse mettre. Donc ce hadith, il montre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam observe avec finesse le changement de tempérament.